sur la cour de ta maison, doucement, jouxtant le trottoir pavé de pierre. Tu plantais des fleurs avec ton père, surnommé moustache, homme véhément, robuste et colérique en son allure. Je jouais sur le trottoir d'en face, à l'ombre d'un amandier qui s'efface. Le voyant si heureux, tout l'opposé de ce qu'on disait de lui dans la rue. Ces 30 ans, géant de tendresse, père comblé par ton innocence pure, je ne te vis plus, mais ta douceur sûre, et sans m'en rendre compte, je voulus t'accompagner dans chaque peur, chaque nuit. Ainsi j'entrevus ton charme, mon tourment si je découvris, sans le nommer, sans réfléchir, la cause de l'amour, tendresse, qui dompte la colère immense.